Le son jazzy du Walkman dans mes oreilles se démène. Allez, je vais arrêter de pleurer, arrêter de penser qu'à moi et dire à ma femme et que je les aime. Même si parfois j'en ai voulu à ma mère de monopoliser sa culture au sein de ma famille. Et j'en ai voulu à mon père de ne jamais m'avoir enseigné la culture de son pays. En Asie, on me voit comme un Européen. Et en Europe, on me voit comme un étranger. Alors je traîne avec les miens, je crois que ce qui nous a réunis, c'est qu'on sait tous pas d'où on vient. Mais qu'on sait que ce qui fait une personne, c'est ce qu'elle a au fond d'elle et pas d'où elle vient. Alors juste du microphone pour regarder avec le cœur quand je rêve les yeux ouverts. Parce que quand on regarde on est aveugle, alors je me fais aveugle pour mieux voir mon frère. Et c'est pour ça que je remercie mes parents MC, parce qu'au fond c'est ça qu'ils m'ont appris. Quand j'ai vu leur amour, l'éducation de sentir avec le cœur pour toujours, réduire les apparences en brisant les barrières dans un discours de sourd. Parce que tu sais, on espère toujours trouver ce qu'on veut en cherchant ailleurs, pour s'apercevoir que la clé de la réponse se trouvait depuis toujours en notre intérieur. Ouais, en notre intérieur, à côté de nous et en nous. Muet, des deux côtés, le temps nous rapproche. Quand la mort nous sépare, on se connaît sans se reconnaître, jusqu'à ce que le temps les réponses de l'amour répare. Quand tu t'aperçois que tes questions étaient le début de la fin. Muet, des deux côtés, le temps nous rapproche. Quand la mort nous sépare, on se connaît sans se reconnaître, jusqu'à ce que le temps les réponses de l'amour répare. Quand tu t'aperçois que tes questions étaient le début de la fin, mon frère. Non, ouais, non. À titre posthume, je vis pas de sexe et de fume. Clean, comme un sitcom, mais non dans son fond, mais plutôt dans sa forme. J't'ai avec la sûreté de marcher avec le doute, le sourire sincère, tout comme les propos amers. Car ma vision est globale, tout comme mes pensées sont restreintes, mon frère. C'est génétique, y'a pas de mathématiques, car c'est dans mon sang que j'hérite de la façon d'interpréter un fait de mon optique. Ma conscience marche selon une valeur, mais je me suis disputé sur ce que mes parents m'ont inculqué. Quand j'ai vu avec le cœur, après on parle de rébellion. Je crois plutôt qu'il y a une exaltation à vouloir refaire le monde, non. Et le pire, c'est qu'on m'a reproché de faire des sentiments. Les rapports parents-enfants sont des conflits de protection face aux reproches de vécu contre les rêves. Et quand sans trêve tu grandis sans brève, tu t'aperçois que tes souvenirs c'était ce sourire et ça t'achève. Alors comme tes parents l'ont fait avec toi, t'inculques des barrières à tes gosses pour pas qu'ils font les mêmes erreurs que toi. Controverse logique comme mon album, car celui-ci est un labyrinthe sans sortie ni entrée, où chaque sortie c'est une entrée et où chaque entrée c'est sortie, mon frère. Muet, des deux côtés, le temps nous rapproche. Quand la mort nous sépare, on se connaît sans se reconnaître, jusqu'à ce que le temps les réponses de l'amour répare. Quand tu t'aperçois que tes questions étaient le début de la fin. Muet, des deux côtés, le temps nous rapproche. Quand la mort nous sépare, on se connaît sans se reconnaître, jusqu'à ce que le temps les réponses de l'amour répare. Quand tu t'aperçois que tes questions étaient le début de la fin, mon frère.